La radio sud-coréenne CBS a dénoncé le premier courant, la destruction criminelle de l'environnement par les troupes américaines en Corée du Sud. Rien qu'à la base américaine de Ryongsan, il y a eu 84 accidents de fuite d'huile depuis 1993.